إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre de commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan sur le livre de Ibn Taymiyyah Iqtida Sirat Al-Mustaqim Mukhalafat Ashab Al-Jahim qui s'intitule At-Ta'liq Al-Qawim. Et donc on commence aujourd'hui, on a terminé l'introduction, hein, on a fait dans les premiers cours, on a fait la biographie, hein, la biographie de Ibn Taymiyyah, puis une petite introduction au sujet du livre. Maintenant, on commence à rentrer réellement dans le texte de Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et Cheikh Al-Fawzan, il a donné, comme j'expliquais, ses cours à la radio. Il a donné ces cours-là à la radio. C'est une série. Et chaque jour, ou bien chaque cours, on lisait une partie du texte et Cheikh Al-Fawzan, il faisait une explication de chaque partie. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Inch'Allah, on va lire le texte de Iqtida Sirat al-Mustaqim avec les commentaires de Cheikh Al-Fawzan de chacun de ces passages. Au début, c'est des petits passages avec des longs commentaires parce que c'est des choses de base qu'il explique. Puis, au fur et à mesure qu'il avance, il y a des plus longs passages avec des plus petits commentaires. Et les commentaires ne sont pas tous de la même longueur. Il y a parfois des commentaires qui sont longs et parfois des commentaires qui sont plus courts selon le sujet. Mais c'est toujours des commentaires bénéfiques. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il commence son livre, comme c'est son habitude, par « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Et il dit ensuite « Alhamdulillah alladhi akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matahu wa radiya lana al-islam dinan » Donc le cheikh il dit « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, celui qui a complété pour nous notre religion, qui a parachevé sur nous sa grâce et qui a agréé l'islam comme religion pour nous. » Donc le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ce passage. Il dit bada al-Sheikh rahimahullah hadha al-kitab an-nafis bima hadathat alayhi as-sunnah an-nabawiyyah haythu bada al-kitab bi bismillah ar-rahman ar-rahim wa bilhamdulillah rabbil alamin falaqad jaa fi kulli min al-Qur'an was-sunnah at-ta'kid ala al-bad' bihima فما من سورة من سور القرآن إلا وهي مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم كذلك كتبها سليمان عليه الصلاة والسلام في خطابه لبلقيس حيث قال الله جل وعلا في معرض سرده لقصته عليه الصلاة والسلام مع ملكة سبأ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم. Donc le cheikh il commence, il dit que le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son précieux livre a commencé parce que la sunna nous a incité de faire, hein, et parce que la sunna a incité, hein, et de débuter par, c'est-à-dire de débuter par Bismillahir Rahmanir Rahim et par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puisque dans le Coran et dans la sunna, on retrouve la confirmation du fait que il est bon et qu'il faut commencer par ces choses-là. Et il n'y a pas une sourate dans le Coran excepté qu'elle débute par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écrivait des lettres pour envoyer aux différents rois, aux différents dignitaires dans les différents pays à son époque, il commençait toujours sa lettre par Bismillahir Rahmanir Rahim. De même que le prophète Suleyman, lorsqu'il a écrit une lettre à Bilqis, il a commencé sa lettre, comme c'est mentionné dans le Coran, hein, quand il a envoyé la lettre à la reine de Saba, il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans, qu'est-ce qui est rapporté à ce sujet, dans Surat An-Naml, le verset 29 à 31, ça dit, elle a dit, c'est-à-dire, elle dit, c'est-à-dire la reine de Saba, Bilqis, elle dit, vous les notables, on m'a envoyé une noble lettre. Elle est adressée de Suleyman et elle dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous soulevez pas contre moi et venez à moi soumis. Hein, venez à moi soumis. Et le cheikh, il a donc commencé son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et après, il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le cheikh, il dit لقد ابتدأ الشيخ رحمه الله كتابه بالحمد بعد البسملة والمصحف الشريف قد بدأ بالحمد فأول سورة فيه هي الفاتحة بدأت بالحمد والثناء على الله فأول ما يقع نظرك في المصحف على الحمد لله بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهذا يدل على مشروعية البداءة بهاتين الكلمتين العظيمتين في كل عمل له أهمية وفي الكتب العلمية خاصة. Donc le cheikh il explique que il commence son livre par Alhamdulillah après avoir dit Bismillahir Rahmanir Rahim, comme c'est le cas dans le Mus'haf, dans le Coran. Le Coran il commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est la première surah, hein, qui commence comme ça, c'est la surah Al-Fatiha, elle commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et quand tu regardes dans le Mus'haf, qu'est-ce que tu vois en premier? Tu vois, après Bismillahir Rahmanir Rahim, tu vois Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et donc ça indique qu'il est légiféré et que c'est quelque chose qui est bien de débuter par ces deux paroles-là, puisque peu importe l'action que tu fais, eh bien, c'est des paroles importantes que tu dois mentionner avant de le faire, et en particulier dans les livres de science, hein, de la science de l'islam. Ensuite, donc le cheikh il dit وَمَعْنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أي أَسْتَعِينُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين أو أتبرك بي بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقدم الحمد والثناء على الله عز وجل على يعني على نعمه وأفضاله التي لا تعد ولا تحصى وقد بدأ الله الحديث على الخلق عن الخلق بالحمد لله رب العالمين كما في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وقوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض وختمه بالحمد كما قال تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحاصل أن هاتين الكلمتين الحمد والثناء عظيمتان يستحب الإتيان بهما عند البداية والنهاية في كل أمر ذي بال، ومن ذلك أنه من المستحب للمسلم عند الأكل والشرب أيضا أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يختم بالحمد لله. Donc le cheikh il explique, il dit la signification de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça veut dire je demande l'aide par le nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et quand tu dis Bismillah ou Bismillah, ça, il y a quelque chose qui est sous-entendu, hein, et qui signifie je cherche l'aide de, ou je demande l'aide d'Allah, ou je cherche la bénédiction d'Allah dans le fait de mentionner son nom. Hein. Je cherche la bénédiction en le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et donc, tu commences par la louange à Allah et l'éloge que tu fais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu mentionnes sa louange pour toutes les grâces et toutes les grâces qu'il te fait, que tu ne peux même pas calculer, que tu ne peux même pas dénombrer. Et il a débuté. Allah subhanahu wa ta'ala débute même la parole au sujet de la création des mondes en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et ça, c'est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. Lorsque, par exemple, il dit dans sourate Al-An'am, le verset 1, il dit « Louange à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. » Ou le verset 1 dans sourate Fatir « Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. » Et il termine également, il conclut le jugement entre les hommes en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme c'est mentionné dans le verset 75 dans sourate Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala dit et il juge entre eux en toute vérité, et il sera dit louange à Allah le Seigneur des mondes. Donc de ces versets là, de ces deux paroles là, on peut comprendre la louange et les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala sont deux choses très très importantes et très grandes, et il est recommandé de les mentionner au début et à la fin de toute chose importante. Et parmi dans lesquelles on doit mentionner le nom d'Allah au début et la louange d'Allah à la fin, c'est avant de manger, par exemple. Lorsqu'on mange et on boit, on commence par Bismillah et on termine par Alhamdulillah. Le Cheikh, il dit Alhamdulillahi alladhi akmala lana din ou akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matahu wa radiya lana al-islam dinan. Amma qawluhu alladhi akmala lana dinana إلى آخره فهو مأخوذ من الآية الكريمة وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولقد ضمن الشيخ معنى هذه الآية في بداية الكتاب إشارة إلى موضوع الكتاب الذي فحواه النهي عن البدع، لأن الله أكمل هذا الدين وأتم علينا النعمة، فلا يحق لنا أن نحدث في الدين زيادة أو أن نبتدع فيه بدعة لأن فعلنا هذا يقتضي أن الدين غير كامل. Donc on va traduire jusqu'ici. Qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh il dit que en ce qui concerne la parole, lorsque le cheikh a dit louange à Allah, celui qui a complété pour nous la religion et qui a parachevé sur nous son bienfait et qui a agréé l'islam comme religion pour nous, il dit ça, c'est tiré du verset 3 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit aujourd'hui j'ai complété pour vous mon bienfait, pardon, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. C'est dit tel quel, mot pour mot, dans le verset. Et le cheikh il dit ensuite donc que le cheikh il a commencé avec ce verset là à cause de sa signification, pour indiquer le sujet du livre, puisque le livre il concerne le livre parle des questions qui ont rapport avec l'innovation. Et les innovations, c'est-à-dire tout ce que les gens ont ramené comme chose innovée et inventée dans la religion qui n'en font pas partie. Et le cheikh, la raison pourquoi il parle de ce sujet-là, c'est parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a complété la religion pour nous. Et il a parachevé son bienfait sur nous. Et donc, personne n'a le droit d'inventer quoi que ce soit dans la religion, ou d'ajouter quoi que ce soit dans la religion, ou d'innover quoi que ce soit dans la religion. Parce que, ça voudrait dire que la religion, elle n'est pas complète. Si quelqu'un il ajoute quelque chose dans l'islam, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ça veut dire qu'il pense que la religion est incomplète et qu'il faut que lui ajoute des choses dedans. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné clairement que sa religion était complétée. Na'am. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh il dit « وَأَنَّ عَلَيْنَا نَحْنُ الْبَشَرْ عَلَى تَقْصِرِنَا وَنَقْصِنَا أن نكمله ونتمه. الله المستعان. Donc, celui qui pense qu'il faut rajouter des innovations dans la religion, il pense qu'il faut rajouter dans la religion, c'est comme s'il disait que la religion n'était pas complète et que c'est nous, les faibles êtres humains, qui devons compléter la religion d'Allah. وهو المنزه عن صفات النقص وهو المنزه عن صفات النقص يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. Donc en réalité cette religion il dit Allah subhanahu wa ta'ala il l'a complétée et Allah est purifié de toute forme d'imperfection ou de défaillance ou de défaut ou de faute. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a complété pour nous notre religion et qu'il a parachevé sur nous son bienfait. Donc le cheikh dit فَمَنْ جَاءَ بِشَيْءٍ مُحْدَثٍ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ لَيْسَ فِي كِتَابِهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ وَلَا فِي هَدِيِ السَّلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ مَرْفُودٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ. Donc le cheikh il dit, donc si quelqu'un amène quelque chose qui est inventé et il essaie de se rapprocher d'Allah avec cette chose, il essaie de l'utiliser comme un moyen pour se rapprocher d'Allah, alors que ça ne fait pas partie de ce qui est dans le livre d'Allah et que ce n'est pas dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ça ne fait pas non plus partie de la guidance des salafs de cette umma, alors cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ramène? Ce sera refusé et ce sera rejeté. Ce sera rejeté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre preuve à ce sujet, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Wa a'ammu min dhalik qawluhu sallallahu alayhi wa sallam » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. C'est-à-dire celui qui ramène une action qui n'est pas dans notre religion, elle sera rejetée. Celui qui fait une action qui n'est pas dans notre religion, elle sera rejetée. Et dans l'autre version, hein, c'est celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, alors elle sera rejetée. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha, radiyallahu anha. Naam. Donc le cheikh il dit ensuite, شيخ ابن تيمية أما وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالون ولا الضالين أي نعم وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين An-Nasara. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, il nous a ordonné de chercher de lui la guidance vers son droit chemin, le chemin de ceux sur qui il a mis sa grâce, et non pas le chemin de ceux sur qui il a mis sa colère, ou ceux qui ont la colère d'Allah, c'est-à-dire les juifs, ni le chemin des égarés, c'est-à-dire les chrétiens. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique. Il a dit هذا منتزع من سورة الفاتحة ونحن نقرأها في كل ركعة من صلاتنا فإن الصلاة لا تصح إلا بها لأنها ركن من أركان الصلاة فريضة كانت أو نافلة وفي آخرها نطلب من الله أن يهدينا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Donc le cheikh il dit que cette explication de Cheikh al-Islam elle est tirée de Surat al-Fatiha et on la lit dans chaque rak'a, dans chaque prière qu'on fait, hein? Et donc tu ne peux pas faire ta salat de façon qui est valable excepté sans réciter cette surah. Si tu fais une salat sans cette surah, sans la fatiha, elle ne sera pas acceptée. C'est un pilier dans la salat. C'est-à-dire, la surah al-fatiha, de réciter la fatiha dans la salat, c'est un des piliers parmi les piliers de la salat. Si tu la récites pas, ta salat ne sera pas valable. Et c'est une obligation, que ce soit une salat obligatoire ou surérogatoire, dans les deux cas, tu es obligé de lire la fatiha. Hein? Et à la fin de la fatiha, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider vers le droit chemin, de nous guider vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Donc le cheikh il dit ensuite الصراط هو الطريق الحسي والمعنوي والمراد هنا الطريق المعنوي وهو الذي يوصل إلى الله وإلى رضوانه وهو دين الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمستقيم معناه المعتدل الذي لا انحراف فيه ولا ميل والموصل إلى الرضوان إلى رضوان الله وجنته والله جل وعلا أوصانا بذلك حيث قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا الصراط إنما يصير عليه من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. Donc le cheikh il dit que en arabe le terme sirat c'est le chemin et ça peut être un chemin concret, un vrai chemin physique, ça peut être aussi un chemin symbolique et abstrait, hein. Pas un vrai chemin physique là, mais symbolique. Et on parle ici d'un chemin dans ce sens-là, hein, est symbolique. C'est-à-dire le chemin qui ramène vers Allah et vers son agrément. Et c'est la religion de l'islam. Le droit chemin, c'est l'islam. Et c'est également la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit qu'il est mustaqim, ça signifie qu'il est mu'tadil, c'est-à-dire qu'il est yani, bien équilibré, bien ajusté. Hein, c'est un chemin qui est droit. Il dévie pas vers, ni vers un côté ni vers l'autre. Il n'y a pas de tournant dedans, il n'y a pas de courbe. Il est droit. Et il amène à l'agrément d'Allah et à son paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela. C'est-à-dire nous a ordonné de suivre ce chemin-là dans le Coran, dans plusieurs versets. Et il mentionne le verset 153 dans Surat Al-An'am, dans lequel il dit « Et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les chemins de... Yani, ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin ou qui vous éloigneront de son chemin. » Le cheikh, il dit « Ce chemin-là, hein, c'est seulement ceux sur qui Allah a mis sa grâce parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, c'est seulement eux qui empruntent ce chemin-là et qui marchent sur ce chemin-là. Hein? Et quels bons compagnons ils sont. Ce sont ceux qui ont réuni entre la science qui est bénéfique et l'action qui est pieuse et qui est bonne. Il dit ensuite, « وَأَمَّا الْفِرْقَ ضَلَّ فَإِنَّهَا تَأْخُذُ جَانِبًا وَتَتْرُكُ الْجَانِبَ الْآخَرَ وَهَذِي الْفِرَقْ عَلَى أَقْسَامِ القسم الأول منها اليهود الذين أخذوا جانب العلم وتركوا العمل ولذلك غضب الله عليهم لكونهم عصوا الله على علم يعني قاصدين المعصية من بعد ما جاءتهم البينات ولذلك استحقوا اللعنة والغضب وأما القسم الثاني منهم فهم النصارى الذين أخذوا جانب العمل وتركوا جانب العلم واشتغلوا بالعبادة وبالغوا فيها وابتدعوا أمورا وعبادات لم يكتبها الله عليهم دون ما علم ودون ما دليل فضلوا وأضلوا. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les sectes déviées, elles ont seulement pris une partie et elles ont laissé l'autre partie. Elles ont pris un côté et elles ont laissé l'autre côté. Et ces différentes sectes, ces différents groupes, sont de différentes catégories. La première catégorie sont les juifs, ceux qui ont pris une partie de la science et qui ont laissé l'action et la pratique. Et c'est pour ça que Allah est en colère contre eux, parce qu'ils ont désobéi à Allah avec science. Et ils ont cherché... ils ont cherché à faire le péché, la désobéissance, après que la science leur soit venue. Et c'est pour ça qu'ils ont mérité la malédiction d'Allah et sa colère. En ce qui concerne la deuxième catégorie des groupes qui ont dévié, ce sont les chrétiens. Ceux qui ont pris une partie, le côté de la pratique religieuse, mais qui ont laissé de côté l'aspect ou le côté de la science. Et donc ils se sont concentrés sur l'adoration et ils ont exagéré dans l'adoration à un tel point qu'ils ont commencé à inventer des choses dans la religion, inventer des adorations que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur avait pas prescrit sans aucune science et sans aucune preuve. Et donc à cause de ça, ils se sont égarés eux-mêmes et ils ont égaré les autres avec eux. فالحاصل أن الذي يمثل الجانب الأول من المخالفين هم اليهود وهم المغضوب عليهم يعني لما عرفوا من الحق وحادوا عنه وعاندوا أنبياءهم ورسلهم ولهذا فهم استحقوا غضب الله ولعنته. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on peut dire en résumé de tout ce qu'on vient de dire, c'est que ces deux groupes là ou ces deux côtés là, eh bien ils représentent les deux extrêmes. Le premier, c'est le côté de ceux qui ont contredit. Il y en a qui ont contredit le premier aspect, et ce sont les Juifs. Et ce sont ceux sur qui Allah a mis la colère, hein, sa colère sur eux. Il est en colère contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la vérité, mais ils s'en sont détournés. Ils se sont obstinés contre leurs prophètes et contre le message de ces prophètes-là. Et c'est pour ça qu'ils ont mérité la colère d'Allah et sa malédiction. وَأَنَّ الَّذِي يُمَثِّلُ الْجَانِبُ الْآخَرُ الثَّانِي هُوَ يعني هم النصارى وهم ضالون في رهبانيتهم وعباداتهم التي أحدثوها وهي عبادة ما أنزل الله بها من سلطان ويشبه هاتين الفرقتين من هذه الأمة كل عالم لا يعمل بعلمه وكل عابد لا يعبد الله على دليل وبصيرة ولكن تحذر هذه الأمة ما وقعت فيه الأمم السابقة أمرنا بقراءة هذه السورة وتكريرها في كل ركعة من ركعاتنا. Le cheikh il dit, ce qui représente le deuxième côté, c'est le groupe des chrétiens, ce sont les égarés, les gens qui se sont égarés dans leur monachisme, hein, parce qu'ils sont ils ont accepté le fait de rester dans des monastères et de devenir des moines et de se consacrer juste à des adorations qu'ils ont inventées, hein, qui n'ont rien à voir avec ce que Allah a révélé, c'est-à-dire que c'est des inventions, hein, et des mensonges contre Allah. Et il dit, et parmi ces deux groupes-là, dans cette umma, on peut dire, le cheikh il dit, que dans cette umma, la umma de l'islam, il y a deux groupes qui ressemblent à ces deux catégories-là. Il dit, وَيُشْبِهُ هَاتَيْنَ الْفِرْقَتَيْنَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلُّ عَالِمٍ لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ وَكُلُّ عَابِدٍ وكل عبد لا يعبد الله على دليل وبصيرة ولكي تحذر هذه الأمة ما وقعت فيه الأمم السالفة أمرنا بقراءة هذه السورة وتكرارها في كل ركعة من صلاتنا لكي نسأل ربنا في كل حال أن يهدينا وأن يدلنا ويوفقنا ويثبتنا على الطريق الصحيح الموصل إليه وطريق الذين أنعم عليهم وأن يجنبنا طريق الذين غضب الله عليهم وطريق الذين ضلوا عن صراط المستقيم فهو دعاء عظيم استحضره المسلم وخاطب الله به فإنه حري an yastajib Allahu lahu. Donc le cheikh il dit donc que c'est dans cette umma, il y a des gens qui ressemblent à ces deux groupes là il y a l'adorateur, premièrement il y a le savant qui n'agit pas selon sa science, et tout adorateur qui adore Allah mais sans preuve et sans se baser sur la connaissance et la compréhension. Et donc pour qu'on puisse mettre en garde cette umma à propos de ce que les nations précédentes ont commis comme erreur et comme égarement dans ces questions-là, hein, pour éviter justement que cette umma tombe dans la même chose que les nations précédentes sont tombées, on a été ordonné de réciter cette sourate et de la répéter souvent. C'est la sourate qu'on récite dans chaque raka'a de nos prières, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans cette sourate, de nous guider et de nous indiquer et de nous donner le succès et de nous raffermir sur le chemin qui est correct, le chemin qui nous ramène à lui et qui est le chemin de ceux qui ont reçu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. et on demande à Allah qu'il nous écarte du chemin de ceux qui ont encouru sa colère et du chemin de ceux qui ont dévié du chemin droit. Et c'est un dua qui est immense, très important. Lorsque le musulman le fait, hein, lorsqu'il y pense, hein, il mentionne ce dua-là, il le demande à Allah subhanahu wa ta'ala de répondre et de l'exaucer, et c'est certain que yani, Allah subhanahu wa ta'ala l'exaucera. فقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما هو من باب التمثيل وليس الأمر خاصة باليهود والنصارى وإنما هو عام ولكن لما كان اليهود أول من ابتكر هذه الطريقة الغضبية نعم ولما كان النصارى هم أول من أحدث الابتداع والرهبانية في دين الله مثل بهم فهو من باب التمثيل. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit guide-nous sur le droit chemin, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Il dit ça c'est juste pour donner un exemple. Il dit ça c'est juste pour donner un exemple. La question se limite pas juste aux juifs et aux chrétiens, parce que le verset il est général, donc ça concerne toute personne qui a les caractéristiques, hein, comme les gens qui ont de la science mais qui ne l'appliquent pas, hein. Et l'autre, ça c'est la voix des gens qui suivent la umma contre laquelle Allah est en colère, et l'autre voix c'est la voix des nasara, des chrétiens, et c'est la yani, c'est ceux qui inventent des innovations, qui ont inventé des innovations, la voix des chrétiens, ceux qui ont inventé des innovations, parce que c'est eux les premiers qui ont inventé le monachisme dans la religion d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ces gens-là comme exemple. Et non, c'est eux qui ont inventé le monachisme dans la religion d'Allah, et donc Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés comme exemple. Juste comme exemple, mais ça ne veut pas dire que ça ne comprend pas d'autres que eux. C'est pour ça que des fois les musulmans ils récitent le Coran, ils lisent des versets par exemple, puis ils voient que les versets parlent des chrétiens ou des juifs ou des mushrikines ou des koufars, ils disent ah ben ces versets là ça nous concerne pas, parce que c'est des versets qui parlent des koufars ou des juifs ou des chrétiens, donc ça nous concerne pas. Et la réalité c'est que même si ça parle des juifs et des chrétiens, ça ne veut pas dire que ça ne nous concerne pas. Au contraire, des fois, c'est des leçons pour nous. Qu'est-ce qui est dit à propos des juifs et des chrétiens? C'est des leçons pour nous-mêmes, hein, avant d'être pour les juifs et les chrétiens. Ben oui, on peut tous les avoir. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est musulman, mais il a de la science, mais il l'applique pas, ben il a les caractéristiques des juifs. Si un chrétien... disons qu'un musulman il a des caractéristiques dans le sens qu'il fait des actes d'adoration mais il n'a pas de science et il invente des choses dans la religion comme certains égarés parmi les musulmans, ben on va dire ça c'est une caractéristique des chrétiens, hein, mais elle est présente chez ce musulman. Et la même chose pour d'autres exemples aussi, c'est-à-dire qu'un musulman qui a les caractéristiques des juifs ou des chrétiens, on va pas systématiquement le déclarer kafir, parce que c'est possible que même s'il a des ressemblances ou des caractéristiques avec les koufars, qu'il a quand même des différences avec eux du fait qu'il est musulman, et donc on n'a pas le droit de faire son takfir de façon systématique. Il faut que on retourne aux ulama, aux savants de l'islam, pour leur mentionner le cas et leur expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette personne, pour que lui, après, par la suite, nous dise l'état de cette personne. Parce que le takfir, c'est pas facile à faire. Et il y a des conditions qui sont exigées pour qu'on puisse faire le takfir, et ces conditions-là sont présentes que chez les ulama. Les ignorants, quand ils font le takfir, ils font le takfir par ignorance. Et ils déclarent koufar des gens qui sont même pas koufar parfois. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, parce que ça c'est des caractéristiques des Khawarij aussi. Eux ils aiment faire le takfir des musulmans, et souvent ils font des takfirs sans aucune preuve. Et le cheikh il dit ensuite وَقَدْ يُورِدُ الْبَعْضُ كَلَامًا لِأَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الصِّرَاطَ لَا يُسَمَّى مُسْتَقِيمًا حتى يكون واسعا وفي هذا الكلام إقناع للأتباع وغيرهم بأن الصراط يسعهم وأنهم ليسوا بحاجة لغيره ونحن نقول لا شك أن الصراط المستقيم يغني عن غيره ويتسع للأمة جميعا من الشريعة للأمة جميعا أولها وإلى آخرها وأنه لن يضيق حتى يبحثوا عن طرق أخرى والإسلام ولله الحمد واسع وشامل وأحكامه وافية بما يحتاجه البشر في الاعتقاد والعبادات وفي المعاملات والأخلاق وفي الأخبار الماضية والمستقبلة فهو حافل. Donc le cheikh il dit que certaines personnes parmi les gens peuvent rapporter une parole de la langue, bien tirée de la langue arabe, pour expliquer que un sirat, un chemin, ne peut pas être appelé mustaqim, yani excepté si il est large et qu'il est vaste. Et donc, dans cette parole, on a l'impression que on cherche à convaincre les gens qui suivent le chemin ou d'autres que le sirat est assez large pour tout le monde, qu'il est assez large pour eux, et qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas besoin d'autres personnes. Et nous disons, il n'y a pas de doute que le chemin droit, il est suffisant pour les croyants, pour les gens qui le prennent, et pour d'autres. Et il est assez large pour cette umma en entier, du premier parmi les hommes jusqu'au dernier. Pourquoi? Parce que ce chemin ne va jamais être trop étroit pour que des gens ne soient pas capables de rentrer dedans ou monter, le suivre. À moins qu'ils commencent à chercher d'autres chemins, là, ça c'est de l'égarement. Mais il y aura toujours de la place pour quelqu'un qui veut suivre la vérité sur ce chemin droit. Par la grâce d'Allah, le chemin il est très très vaste et il accepte tout le monde. Il accepte tout le monde qui, bien entendu, respecte les conditions de son suivi. Donc il ne faut pas prendre ça non plus à l'absolu. Qu'est-ce que le cheikh Al-Fawzan est en train d'expliquer là? Du fait que le chemin il est large et il est vaste et qu'il y a de l'espace dessus, que tout le monde peut l'emprunter, que c'est ça, c'est clair. Mais en même temps aussi, il ne faut pas tomber dans l'égarement de certains, comme Abul Hassan al-Ma'ribi ou d'autres, qui ont dit que il faut accepter sur le droit chemin tous les gens de bid'a et tous les égarés et les ikhwan muslimin et le Jamaat Tablir et tous les gens de bid'a. Et il ne faut pas exclure personne. Non, ça c'est de l'égarement, ça. Parce que tu dis que le chemin droit c'est un droit chemin, donc il faut accepter tout le monde. Non, tu peux les appeler à l'islam, tu appelles les gens qui ont dévié à la sunna. Si c'est des gens de bid'a, tu les appelles à la sunna. Si c'est des koufars, tu les appelles à l'islam. Mais en même temps, tu ne vas pas dire à quelqu'un d'entrer dans l'islam sans lui expliquer qu'est-ce que c'est le tawhid, dans le sens que tu vas dire tu peux rentrer dans l'islam même avec ton shirk, c'est pas grave, ou tu peux rester dans ta religion puis tu vas devenir musulman quand même. Ça c'est contradictoire, ça. Si tu deviens musulman, il faut que tu abandonnes le kufr. Hein? Si tu rentres dans l'islam, il faut abandonner le shirk et le kufr. Sinon, ton islam ne va pas être valable. Et la même chose pour quelqu'un, s'il veut accepter la sunna et la voie des salafs, eh bien, il faut qu'il abandonne les bid'ah et les sectes. Tant qu'il n'a pas abandonné les bid'ah et les sectes qu'il faisait, eh bien, il ne sera pas accepté dans la voie des gens de la sunna. Donc, ce chemin, il est assez vaste pour tous les croyants qui sont sur la sunna, qui veulent le suivre comme il faut. Hein, il y a tout ce qu'on a besoin dedans. Tout ce que l'humanité a besoin comme croyance, comme pratique et comme acte d'interaction et comportement avec les autres. Tout ça, ça a été clarifié. C'est ça, dans les informations qui a été mentionnées au sujet du passé et de l'avenir. Et c'est rempli de choses de ce genre. Ensuite, Cheikh al-Islam, il explique les deux témoignages. وأشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. C'est-à-dire, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad صلى الله عليه وسلم est le messager d'Allah. بهاتين شهادتين تمام الخطبة وهما من أركانها. فهما شهادتان عظيمتان يجمعهما الركن الأول من أركان الإسلام ومعنى الشهادة الإقرار والاعتراف باللسان مع الاعتقاد مع اعتقاد القلب فأنت تشهد بما يعترف به قلبك وينطق به لسانك أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه. Donc le Cheikh il dit, ces deux témoignages, témoignages de La ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ça c'est deux témoignages, on appelle Al-Shahadatayn ou Al-Shahadatan. Et bien, à la fin, donc ça c'est qu'est-ce qui vient compléter l'introduction du livre de Cheikh al-Islam. Et c'est, ça fait partie des piliers du discours de l'introduction. Et il dit que ce sont deux témoignages immenses, hein, et très, très importants. Et c'est le premier pilier de l'islam. Et la signification du témoignage, c'est de reconnaître et d'affirmer avec la langue, avec la croyance du cœur, que tu témoignes, yani, et tu déclares de reconnaître avec ton cœur et de le dire avec ta langue que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Qu'il n'y a rien qui mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien de ce qui est adoré parmi les choses que les hommes adorent qui mérite d'être adoré réellement excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça signifie La ilaha illallah. Il n'y a rien parmi les choses que les hommes adorent qui mérite réellement l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Et ça détruit, le Cheikh dit, وَهَذَا يُبْطِلُ جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تُصْرَفُ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَالْعِبَادَاتِ الَّتِي يُتَوَجَّهُ بِهَا إِلَى الْأَضْرِحَةِ وَالْقُبُورِ أَوْ الَّتِي يُتَوَجَّهُ بِهَا إِلَى الْأَصْنَامِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ أَوْ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَهَذِهِ وَغَيْرُهَا كُلُّهَا تُبْطِلُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَيْ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ ولا بد من معرفة هذا القيد يعني لأن هناك معبودات وآلهة كثيرة ولكن كلها بغير حق فإذا قلت بحق سقطت جميع هذه المعبودات لأنها معبودة بغير حق وهي ليست آلهة بحق. Donc, وهي ليست آلهة بحق. Donc le cheikh il explique, il dit que cette parole, quand on dit rien ne mérite d'être adoré, rien parmi les choses adorées ne mérite l'adoration excepté Allah, ça vient détruire complètement tout ce que les hommes peuvent adorer en dehors d'Allah. Ça vient complètement annuler toute l'adoration qui est offerte à quiconque en dehors d'Allah ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit toutes les adorations qu'on offre aux, ça inclut toutes les adorations qu'on peut offrir ou donner aux tombeaux, hein, aux tombes, comme les gens qui adorent les tombes, qui adorent les saints, qui adorent les morts, hein, tout ça c'est des exemples de shirk. Ou également, donc tout ça, ça rentre dans des choses qui annulent le témoignage de la ilaha illallah, hein? C'est-à-dire qui annulent la signification de rien parmi les choses qui sont adorées parmi les hommes, hein? Qui sont adorées parmi les choses que les hommes adorent, ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne mérite, ça c'est très très important, cette clause là qu'on met dans la phrase. Pourquoi? Parce que elle vient clarifier que il y a beaucoup d'adoration, il y a beaucoup d'objets d'adoration, il y a beaucoup d'idoles, il y a beaucoup de choses qui sont adorées parmi les hommes. C'est-à-dire les hommes ils adorent beaucoup de choses sur la terre. Il y en a qui adorent le soleil, il y en a qui adorent la lune, il y en a qui adorent Jésus, il y en a qui adorent Marie, il y en a qui adorent les saints. Hein, Saint Joseph, Saint Christophe, Saint Paul, Saint Jacques, hein. Il y en a qui adorent des esprits, il y en a qui adorent des images, il y en a qui adorent des statues, il y en a qui adorent des arbres, des pierres, toutes sortes de choses. Il y en a qui adorent des prophètes, il y en a qui adorent des anges, il y en a qui adorent des djinns, il y en a qui adorent le diable, hein. Toutes sortes de choses sont adorées par les hommes sur terre. Mais le témoignage de la ilaha illallah signifie que parmi toutes ces choses-là que les êtres humains adorent, parmi toutes ces choses que les hommes adorent, rien ne mérite réellement d'être adoré excepté Allah. C'est ça que signifie le témoignage de la ilaha illallah. Hein, donc, ne mérite, hein, l'adoration, ça vient mettre ça vient fermer la porte à tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les autres choses qui sont adorées par les hommes en dehors d'Allah sont des idoles ou sont des choses qui sont adorées et que les hommes adorent. Mais est-ce qu'elles méritent d'être adorées? Non. Elles sont adorées dans le mensonge. Elles sont adorées dans la fausseté, dans la déviation. Et donc leur adoration n'est pas valable. Et n'est pas acceptable et elle est rejetée complètement. Wa ma'na ashhadu anna Muhammadan rasulullah al-i'tirafu zahiran wa batinan bi risalatihi ay al-i'tiqad bil qalb annahu rasulullah ba'da an-nutq biha bil lisan. Donc le cheikh il dit que le témoignage de Muhammad Rasulullah c'est de reconnaître extérieurement et intérieurement que tu crois en le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire tu reconnais, hein, par ton cœur qu'il est le messager d'Allah et tu le déclares par ta langue. Et le cheikh il dit ensuite fayalzamuka بمقتضى هاتين الشهادتين شهادة أن محمد أن لا إله إلا الله أولا أن لا تعبد إلا الله لأنك شهدت أنه لا يستحق العبادة إلا هو ويقتضي منك أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة وأن لا تعبد أحدا غيره وشهادة أن محمدا رسول الله تقتضي منك أن تتبعه وتطيعه يعني تقتضي منك أن تتبعه وتطيعه. Donc le Cheikh il dit, et ce témoignage exige de ta part ou implique de ta part, hein, ces deux témoignages-là impliquent ce qui suit. Premièrement, le témoignage de la ilaha illallah, il implique de ta part que tu vas juste adorer Allah seul. Parce que tu as témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Donc ça, ça implique de ta part que tu rends ton adoration exclusivement pour lui seul. Et que tu n'adores rien d'autre que lui. Et le témoignage de Mohammed Rasulullah, ça implique de ta part que tu le suives exclusivement et que tu lui obéisses. Hein? Et que tu lui obéisses. Et que tu, il dit, wa antasira ala sunnatihi wa taqtafi atharahu fala tukhalifahu wala ta'siyahu li'annaka i'tarafta zahiran wa batinan annahu rasulullah ilayka wa idha kana al-amru kadhalik wajaba alayka an tuti'ahu وأن تمتثل أوامره وأن تترك ما نهاك عنه كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي التوحيد وترك الشرك وشهادة أن محمدا رسول الله تقتضي ترك البدع والمحدثات وتقتضي عبادة الله جل وعلا على هدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh il dit ensuite, donc Aynam, et le témoignage de Muhammad Rasulullah, il implique de ta part que tu le suives et que tu lui obéisses et que tu marches sur sa sunna, que tu suives sa trace et son exemple et que tu ne contredises pas son exemple et son ordre et que tu ne lui désobéisses pas parce que tu as reconnu intérieurement et extérieurement qu'il est le messager d'Allah pour toi. Et yani, de même que, donc dans ce cas-là, si c'est ça le cas, donc tu dois, c'est obligatoire pour toi, de lui obéir et de respecter ses ordres et de mettre en pratique ses commandements. Et d'abandonner ce qu'il t'a interdit de faire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah. Certes, Allah est dur en châtiment. Donc, le témoignage de la ilaha illallah, donc ça implique le tawhid et l'abandon du shirk. Et le témoignage de Muhammad Rasulullah, ça implique yani, l'abandon des bid'ah et des innovations et des inventions dans la religion. Et ça implique également l'adoration d'Allah seul, hein, selon la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter ici inshallah. On continuera la suite au prochain cours bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.